y'en a qui bossent. Mais 808 mais la basse. C'est quoi tes lots sous tasse? Des toits fumés passent. Tu perds la tête pour le pèse, tu perds la tête pour des roses. On voit pas tout en rose, on les malmène, t'inquiète, on les arrose. Je suis explicite, je fais pas de charade, le caisson va à la chamade. Je les vois, ils tracent leur chemin, ils tracent, ils rasent les façades. On arrive, ils vont décarpir, c'est quoi le pire, ils fument du tamien à vomir. Ta gote fait des câlins, mais pendant ce temps, elle me fait des sourires. Je suis toujours sur FIFA 17, je soulève pas de vos qui se tapent comme c'est 18. Même pour dormir, je porte la mulette, avec mes dents, j'arrache sa nuisette. Pour percer l'ouverture, avec mes chicots, j'arrache sa nuisette. Je remets mon survêt et mes chaussures, puis je me barre en straight par la fenêtre. Ta gueule, si t'es pas le bienvenu ici, on va tout péter ensemble, on parlera pas de langue. La queue trop, les billets, le service est donné en pointe à la lame, t'as qu'à donner la lame. Maintenant on parle à voix haute, attends discret jusqu'au bout, on va réussir sans leur dos. C'est du limpe à lactose, y'a du pain galactique, y'en a plein qu'on la trique. Bah, envoie la monnaie, on fait danser tout le monde comme sur Arab Money. Ta bête à son monoeil, j'ai piné la mono et miné la route. Lions on va dîner la croûte pour le bordel, fait de la proue à la poule. Ton crew a du tout best up, méfiez-vous on arrive cheaté. Soulin est toujours sous cheater, mon crew dans le business. D'autres parlent, cause pas qu'on nous laisse faire, crois pas qu'on est distrait. J'en baptise comme nous qui se dispersent. Faut mater nos bails, après c'est sûr tu bats d'angoisse. J'embrasse ma ligne couleur framboise, elle reste caline pour le contrat. Oh. Joue le méchant comme Trevor, avec toi j'y vais très fort. Gars, j'suis en pleine forme, j'fais mes 10K sans effort. J'veux que tu t'arraches, tu forces, y'a les keufs dans les parages. J'veux 812 dans le garage, et des garants pour le palace. Ah. Petit appalage. Y'a que dans ma ville j'me balade. Faut jamais se fier l'emballage. T'es un gnou, moi j'suis l'Impala. Wow. S'ils demandent, dis-leur j'suis pas là. Ah, c'est l'état qui me rend malade. Wow. Attends que j'te balade.